Ici Hugo Maltais, président du hockey mineur de Robertval. En mon nom et au nom de tous les membres du hockey mineur, nous voulons féliciter Samuel Girard pour son rang de sélection lors de la dernière séance de repêchage tenue à Buffalo. Samuel est un exemple pour tous les jeunes hockeyeurs de Robertval et de la région pour sa grande détermination, son courage, sa ténacité. Donc, nous souhaitons un franc succès à Samuel pour les années à venir. Les Jeux olympiques de Rio vont commencer vendredi. Ben, en fait, demain, pour les gens qui... Il y a le soccer qui va débuter avant les Jeux olympiques. Ça fait quelques olympiques que c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, le nouvel hebdo hier et l'Étoile du Lac nous apprenait, et le Lac Saint-Jean nous apprenait que Michel Laprise, que vous voyez régulièrement à RDS, et qui est natif de Normandin, sera chef d'antenne. Et question de savoir un peu, c'est, ça va être quoi son rôle, s'il est très heureux, on lui parle. Salut Michel! Oui, ça va bien, Michel. C'est une belle marque de reconnaissance que tu sois chef d'antenne pour les Jeux olympiques de Rio. Oui, c'est quelque chose de gros. Je suis vraiment fier de ça. Je suis vraiment content que RDS est pensé à moi pour remplir ce rôle-là. On n'est pas beaucoup à RDS. Chef d'antenne, on est quatre. OK. Est-ce que ton rôle là-dessus, ça va être quoi? Chef d'antenne, ça veut dire que tu vas faire un peu la transition entre les sports? OK. Pour les gens qui se posent des questions, c'est un peu ce que Jean Pagé et Marie-Josée Turcotte ont fait pendant des années, sauf que ça va être à RDS. Ouais. Oui. OK. Ben oui. Est-ce que, comment ça va fonctionner la diffusion? RDS va présenter des sports d'équipe, Radio-Canada, j'imagine que Radio-Canada, étant donné que c'est eux qui ont payé le gros prix, c'est eux qui ont le premier choix des compétitions, et RDS va avoir le deuxième choix. C'est ça, mais il y a tellement de sports que tout le monde va être intéressant. J'imagine que ça va être ça? Ouais. OK. OK. Ben oui, effectivement. Puis toi, tu vas faire... Un peu moins spectaculaire. Ben oui. Puis tu fais pas, tu vas faire ça à partir de Montréal, tu feras pas ça à partir du Brésil, là, de Rio, là. OK. Oh oui, c'est sûr. Ben, je vais parler avec Frédéric Degg de la presse canadienne qui est là-bas à Rio. J'ai hâte d'y parler parce qu'il va collaborer avec moi. Ça semble être le fouillis total. Là. Est-ce que c'est si pire que ça? Parce que, rappelle-toi, la Coupe du monde de soccer, on prévoyait quasiment que ça allait être affreux. Puis finalement, ça a quand même bien été. Est-ce que c'est de la mauvaise publicité ou on va savoir, je pense, parce que ce matin, il y avait le Zika, puis là, il y a maintenant une histoire d'eau polluée aussi, là. C'est sûr. Michel, évidemment, on va parler un peu d'Olympus. C'est vraiment le dopage qui a été le sujet de l'heure. Là, aujourd'hui, on devrait savoir si la Russie, qu'est-ce qui va arriver finalement avec la Russie. C'est pas beau là, ce qui est sorti. Est-ce que, puis dans le fond, le CEO, ils ont pris une décision quand même pas très courageuse, mais est-ce qu'il y avait vraiment le choix? D'un côté, il était perdu des deux côtés. D'un côté, si tu parlais de la Russie, les commanditaires NBC et ainsi de suite auraient pu faire des menaces. Et d'un côté, si tu parlais pas de la Russie, ben là, c'est une question de crédibilité. Est-ce que le CEO, dans le fond, il était vraiment mal pris? C'est une méchante patate chaude, ce dossier-là. Là. Ouais. Ouais. Ben oui, Michel. Hey, non. Michel, bon, là, ça commence vendredi sur EDS. Tes journées ressemblent à quoi? J'imagine qu'elles sont extrêmement chargées. Il y a une question de préparation, j'imagine aussi, là. Le Canada là-dedans, à quoi s'attendre du Canada? Est-ce que ça devrait être des jeux très respectables? Oui, il y a des surprises. Ouais, ça va être bon. Puis, c'est moins bon qu'on pensait, où on dit, ah, ça OK, ouais, c'est sûr. Michel, très intéressant. On est bien content que les Olympiques commencent, parce que pour des gars qui mangent l'actualité comme moi, c'est sûr que l'été, c'est très tranquille. Puis quand on parle de Mike Ward pendant... Ben, moi, le baseball, j'en mange. C'est mon sport favori, mais quand même... Mais quand on parle de Mike Ward pendant deux semaines dans l'actualité, je pense que c'est là que ça prouve que c'est le grand temps que les Olympiques arrivent. Donc, on va t'écouter sur RDS, puis j'aurai au plaisir de se reparler, peut-être même durant les Jeux, si c'est possible. Ouais. OK. OK, il n'y a pas de problème. Donc, Michel Laprise de RDS et qui est natif de Normandie sera chef d'antenne au réseau des sports.